Donc, nous entamons la dernière phase des Actes des Apôtres. Et même si on est juste au chapitre, quasiment au chapitre 10, et nous allons aller maintenant vers les nations. Il dit, vous allez être mes témoins en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Donc, nous allons aller maintenant jusqu'aux extrémités du monde, et on va voir comment Dieu va s'y prendre pour amener son Église jusqu'au bout du monde. Notre Père du ciel, conduis-nous par ton Esprit Saint, ce cher Esprit Saint que tu as mis en nous pour toujours, ce cher Esprit Saint que tu as mis en nous et qui est aussi immuable que toi, qui n'a aucune variation dans sa force, dans sa puissance, dans sa sainteté. L'être humain n'a pas le pouvoir de l'arrêter, de le stimuler, de le bloquer, mais l'Esprit Saint a le pouvoir d'utiliser des hommes et des femmes qui étaient perdus, les transformer, les régénérer, les sauver, les habiter et les utiliser pour la gloire de Dieu. Et c'est lui qui va nous rendre persévérants. C'est lui qui va nous rendre audacieux quand c'est nécessaire. C'est lui qui va nous rendre sages et intelligents afin qu'on puisse proclamer la bonne nouvelle dans toutes sortes de situations. Donc, guide-nous quand nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du chapitre 9 au verset 32. Mais avant de le faire, comprenons bien que, même si on est encore dans le chapitre 9, je crois que ça commence une nouvelle période. Et je crois que Luc dit à Théophile, voici comment Pierre est entré en contact avec les premiers païens. Donc, lisons verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il trouva un homme nommé Inné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Puis Pierre lui dit, Inné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce que signifie Dorcas, et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Donc ici, Luc va introduire l'arrivée de Pierre parmi les païens. Et pour ce faire, il va emmener Pierre jusqu'à Joppé. Et de là, Pierre va aller à Césarée, chez Corneille. Mais qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Il fait 2 miracles. Il guérit 2 personnes. Un qui était au lit depuis 8 ans et paralytique. Et il le guérit. C'est un miracle. Pur et dur. J'aime ces genres de miracles-là. Il n'y a pas de faffinage, il n'y a pas de taponnage, comme on voit des fois à la télévision, ils faisaient des miracles avec toutes sortes de simagrées. ils choisissent, et là, là ça, non, ici, c'est pur et dur. Pierre arrive, prends ton lit, excusez, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Ça fait de Pierre quelqu'un de spécial? Non, mais ça fait Jésus quelqu'un de spécial. Encore une fois, je vous ai dit, et je le répète, chaque miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ est une preuve que Jésus est vivant. Chaque personne qui se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui reçoit le pardon de ses péchés et le Saint-Esprit est une preuve que Jésus est vivant. Et Pierre, encore une fois, gagne en autorité dans l'Église et hors de l'Église. Tout de suite, il part puis s'en va à Joppé. Non, excusez, des gens de Joppé entendent dire que Pierre est là, parce que des choses de même, mes frères et sœurs, ça se répand à une vitesse aussi vite que l'Internet. Et là, à Joppé, c'est pas tellement loin, ils entendent dire que Pierre est là, et ils font venir Pierre. Parce que Dorcas est, excusez, pas Dorcas, mais une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas, est là. Elle est morte. Et Pierre vient, et c'est la seule fois que je pense ici qu'il demande aux gens de sortir. Il reste seul. Il reste seul avec la morte. Et c'est la première fois, puis je pense que c'est la seule fois, qu'on voit Pierre s'agenouiller au pied du lit pour prier. Est-ce qu'il demande à Dieu, est-ce qu'il rentre en relation avec Dieu pour savoir est-ce que je dois la guérir? Est-ce que je dois la ressusciter? Est-ce que je dois la ramener? Est-ce que toi, tu veux, Seigneur? Je ne sais pas. Et je crois que Pierre, à cause de son apostolat, à cause qu'il est un apôtre, reçoit directement de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, une réponse, et il lui dit oui. Et Pierre se lève, et il dit à la femme, « Tabitha, lève-toi. » Il lui tend la main, et elle se lève. Et ça se répand, encore une fois, dans tout Joppé. Encore une fois, la preuve d'un miracle. Pierre gagne en autorité. Je vous l'ai dit, une grande partie des actes des apôtres, c'était écrit pour donner autorité aux apôtres et pour convaincre le monde entier de la résurrection de Jésus. Et c'est ce qu'ils font ici. Mais maintenant, regardez bien ce qui suit. Chapitre 10. Chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Des regards fixés sur lui et saisis de foi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Il s'en s'est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille l'appela, deux de ses serviteurs, un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconter. Il les envoya à Joppé. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Un centenier, un soldat qui est croyant, il craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumône au peuple, il priait Dieu. Donc, on peut croire que c'était probablement un prosélyte juif, probablement, peut-être que non. Mais il faisait des aumônes au peuple. Est-ce que c'est au peuple juif ou au peuple romain? On ne sait pas trop. Vers la 9e heure du jour, ça veut dire que vers 3 heures de l'après-midi, il y a un homme qui vient. Un ange, pas un homme, excusez, un ange qui vient. Dans une vision. Et cet ange lui dit, va chercher Pierre. Va chercher Pierre. Il se trouve à Joppé, dans une maison près de la mer, chez un nommé Simon Corroyeur. Il prend deux serviteurs, un soldat, et il raconte tout ce qui s'est passé et les envoie chercher Pierre. Moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique de voir l'intervention divine pour le salut des hommes. Je trouve ça 100 millions de fois plus encourageant, édifiant, stimulant que n'importe quelle grande campagne d'évangélisation qu'on organiserait. Parce que j'en ai organisé des campagnes d'évangélisation qui n'ont rien donné. Accepté beaucoup de fatigue et de frustration et de découragement. Mais ici, on voit que Dieu a une vue d'ensemble des choses. Il sait où chaque chrétien se trouve dans le monde. Il sait ce que chaque chrétien est en train de faire. Et il connaît chacun des inconvertis élus que lui veut sauver. Et tranquillement, petit train va loin et emmène ces gens-là à se rencontrer. Oh, ça se peut. Ça se peut. Qu'on témoigne à 10. Qui ne va jamais se convertir avant d'arriver chez la personne qui doit se convertir. Laissez-moi vous conter un exemple. Une fois, je suis dans une église et j'enseigne. Et après l'enseignement, il y a un couple qui vient me voir, un couple que je suivais, que j'allais chez eux à toutes les semaines pour faire le maître de son disciple. Ils viennent me voir. Et ils me disent, François, on aimerait te présenter quelqu'un. Et ils me présentent un voisin qui vivait dans le même rang qu'eux autres. Et on l'emmène me voir. Et donc, je m'assis avec lui en arrière. Et on commence à jaser. Et le couple nous laisse seuls afin qu'on puisse parler librement. Et cet homme était une espèce de Corneille. Il était pieux. Il allait à l'église, il lisait la Bible depuis plusieurs années, il était très ouvert aux choses spirituelles, aux choses religieuses. Et en jasant avec lui, j'ai bien vu qu'il n'était pas sauvé. Et la façon qu'il parlait, et je lui ai dit, « Ah, t'es un de ceux qui n'a pas besoin de Jésus pour être sauvé. T'essaies de te sauver toute seule. » Il dit, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et je lui explique l'Évangile. Et là, tout bonnement, il se convertit. On se met à genoux en arrière de l'église et on prie ensemble, et il se convertit. Et là, le couple revient, et je leur raconte ça, et je leur dis cela. Croyez-le ou pas, je sais que vous allez le croire. Ce couple-là, dans la semaine, m'a appelé pour canceller leur leçon de maître son disciple. Ils ne sont jamais revenus à l'église. Mais cet homme-là est revenu à l'église, il a été baptisé, et c'est un homme qui a répandu l'évangile beaucoup. Et il marche encore aujourd'hui, il s'est marié avec une femme chrétienne. Et il fonctionne encore aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu après quasiment 25-30 ans. Voyez-vous? Dieu s'est servi d'un couple non-croyant pour emmener un inconverti à l'Église, et cet inconverti-là s'est converti. Je pourrais vous dire, donner mon exemple à moi. Mon frère n'est pas venu me voir. Il voulait pas venir me voir. François, c'est un athée, il est rebelle, il veut rien savoir de Dieu. C'est une espèce d'apôtre Paul, c'est un hargneux, un chialeux, un critiqueux. C'est moi qui l'ai appelé. Je l'ai appelé non pas pour parler de l'Évangile, mais pour qu'il vienne m'aider à travailler sur la ferme que j'avais. Mais cette journée-là, Dieu a utilisé mon jeune frère pour me parler de l'Évangile. Et quelque temps après, j'étais sauvé. Mon frère ne voulait pas venir me voir. Dieu a suscité dans mon cœur, c'est ça que je dirais aujourd'hui, de l'appeler, il est venu, il m'a parlé de l'Évangile. Après que je lui ai demandé, parce qu'il ne m'en parlait pas, et moi je lui ai demandé, c'est quoi ton affaire là, de baptiste? C'est quoi ton affaire là, de Bible? Et il m'a annoncé l'Évangile. Et Dieu, dans sa grâce, par la force du Saint-Esprit, m'a emmené à l'Évangile et à me repentir et à croire. C'est ça notre Dieu. C'est ça l'Esprit Saint. C'est ça Jésus qui bâtit son Église. Et ça ici, on en a un exemple ici. Et nous allons voir demain qu'est-ce qui va se passer chez Corneille afin qu'il rentre dans le peuple de Dieu, étant le premier païen qui nous est donné dans les Actes des Apôtres. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Merci que tu as conduit les hommes et les femmes dans nos vies qu'il fallait pour qu'on puisse se repentir et croire par la grâce de Dieu, par la force de ton Esprit Saint. Nous savons très bien que ces hommes et ces femmes n'ont rien de spécial. C'est juste des instruments, c'est juste des outils, qui s'appellent Pierre, qui s'appellent Paul, qui s'appellent François, qui s'appellent Denis. C'est tous juste des outils. Tu peux utiliser les plus intelligents et les moins intelligents, tu peux utiliser hommes et femmes, jeunes et vieux, blancs ou noirs, et tu bâtis ton Église à la gloire de ton nom. Oh, puisses-tu être béni éternellement. Amen.